En manche ce soir, le nouveau mascara Last Flash dans ta face de Maybelline. Rallonge vos cils de 70%. J'ai toujours rêvé de réaliser des films. J'aurais une barbiche et me présenterais sur le plateau pour engueuler De Niro de ne pas savoir son texte. À l'occasion aussi, je fantasme sur cette femme superbe et exotique qui tente de me séduire afin d'obtenir un rôle dans un de mes films. En déménageant en banlieue, j'ai rencontré la bande. Tout de suite, j'ai senti l'inspiration. Et surtout, en faisant la connaissance de leur chef, Paige. Ah, désolé. Ah, ben, c'est pour dire que je suis pas là. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. C'est parce que je suis pas là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire évoluer la situation? Écoute, moi, je suis en train d'attendre un colis de UPS, la pire compagnie de livraison de tous les temps. Je suis d'accord. Oui, c'est ça, j'essaie d'avoir, là. Il y a de la mauvaise, il y en a pas de la bonne, mais il faut juste en parler. Exactement. Okay. Jamais affaire avec UPS, parce que c'est vraiment cool. Et puis, Oui, oui, inquiétez-vous pas. Si j'ai rien que fait ça, j'ai rien d'autre à faire, fallait attendre chez nous, c'est pas le fun. Allô? Oui, c'est super agréable dans un téléphone cellulaire, en plus, ça sonne super bien. D'accord, on y va tout de suite. Un étudiant de Fort Lauderdale College en Californie a été arrêté par des agents gouvernementaux à l'aéroport de Philadelphie parce qu'il était en possession de cartes mémoire pour l'apprentissage de l'arabe, contenant entre autres des mots terroristes et bombes. Nicolas George, un étudiant en physique qui considère une carrière comme diplomate, espérait enrichir son vocabulaire arabe pendant le vol. Au lieu de ça, il aurait été arrêté, menotté et interrogé pendant plus de 4 heures par des agents du FBI sur sa vie privée, ses activités parascolaires, un groupe pour l'islamiste, membre d'un groupe communiste, etc. George a affirmé qu'il savait que la Transportation Security Agency existait pour protéger la population, mais qu'il doit tout de même respecter la Constitution. George a entendu des propos contre la priorité, affirmant que, à peu près, les règlements sont faits pour être suivis. Les seuls qui ne veulent pas les suivre, ben, qui s'en vont? C'est quand même un avancé. Il n'y a pas d'arabe, là. Oui, c'est ça. D'accord. Le dernier, lors d'un match des Royals de Kansas City, la mascotte Slugger, 3R, c'est un lion, était en train de divertir la foule entre deux moments palpitants de la joute. Il utilisait un canon à air comprimé pour envoyer des hot dogs dans la foule. Lorsqu'il a décidé de laisser tomber le canon et d'utiliser ses mains afin de continuer sa distribution de nourriture, il a lancé un lancer de hot dog en passant par derrière le dos. le hot dog, au lieu de faire une arche vers le haut comme prévu, s'est retrouvé directement dans l'œil de John Coomer, assis six rangées plus loin. Depuis, il a dû subir plusieurs chirurgies, car la saucisse a causé un détachement de la rétine et des cataractes. Il me reste un petit bout là. Ça continue, il poursuit les Royals. Flavier n'a pas été nommé dans la poursuite. Mais l'homme qui portait le costume sera remplacé. Les raisons sont pas en place. Il va dans un camp d'entraînement pour mascotte, opéré par Dave Raymond, qui enseigne au nouveau Flagger les voies du canon à air et les règles de sécurité pour mascotte. on en parlait, peut-être qu'on devrait écouter ce que tu as mis sortir là, à ce sujet. Après ça, la surprise spéciale, là, qu'on va écouter au complet. Pendant ce temps-là, on ira chercher une chaise à nos amis de Disco. On va. Écoute, j'ai commencé ça à 5 minutes plus tard. Donc, elle est déjà comme vivement la semaine prochaine, hein? Mais là, j'ai commencé à regarder le film de ce soir, donc Shepherd Boy. Puis là, moi, je suis là. Ben, je suis en train de le regarder, puis là, je pense qu'il faudrait mettre le jeu en garde, parce que là, il peut faire des cauchemars. Il y a une forte concentration de cuir dans ce film-là. Donc, c'est probablement un massacre animal là, qui a été fait pour le tournage de ça. En français, du satellite. Là, je ne sais pas si je vais m'écrire ça pour autant, mais je vais articuler quelque chose là, pour essayer de mettre en haleine nos visiteurs. Thank you. This is my song, disclaimer song. It's so funny to be so wrong. This is my song, this better song. It's so funny to be so wrong. C'est Victor, mais pas le bon. C'est pour ça que notre cher ami Moussafa est parti chercher la bonne version. C'est ce que j'ai pris dans la voiture. On cherche une collaboration, mais on est vraiment occupé. This is my song, better song. It's so funny to be so wrong. Moi, ça veut dire que vous êtes en fait presque un autre endroit. Vous savez pourquoi je suis avec la musique de l'autre? Vous voulez qu'on fasse écouter une chanson? This is my song, it's my song. It's so funny to be so wrong. C'est la chanson de la maladie, c'est la chanson. Parce qu'on fait une main sur l'album. Ben, quand j'étais plus jeune, oui, j'ai eu l'époque où j'ai joué, je me suis fait avoir moi aussi. C'est parce que les gens s'assument pas, mais tout le monde a jamais dit que oui. Non? Ah, je ne connais pas ici. C'est tout le monde. Lord Cabot et Lord M. Lord M, ouais. Lord. Ou Martin pour les intimes. Martin pour les intimes, mais les plus intimes encore. On va revenir tantôt, là, ça va être. Hey, c'est hétéroclite, à ce moment, c'est fou. Hein. Il va y avoir du Julie de Gouin d'Aguan, mais sinon, je vais prendre. On change d'endroit un peu. Ça, tiens. On a une maladie, on va à 70%. On va prendre là. Monopole, acropole, suffisant. Je leur redemande. Alors moi, payons l'amende. Comportement d'aigle existent. La réelle, mais la vérité reste. La destructrice du progrès. Floppy, la pousse. Qui sera de la course. Pour qu'est-ce qu'on toujours. De la mode code pas. Cœur noir, son code. Seul niveau de ménage, désir dogmatique. Quel bel indicatif. C'est le meilleur. Les chantiers oubliés. Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré ça parce que je trouve qu'au Québec, la rap francophone, la grande brèche avec la rap français, C'est vrai qu'il y a souvent, malheureusement, en rap aujourd'hui, beaucoup de clichés qui vont se mettre en place, mais nous, on essaie justement de, à notre façon, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bon, mais bref, on fait comme on fait. Puis justement, je suis pas de ça, gangster rap, je suis pas de ce milieu-là, fait, pourquoi je prendrais ça? Non, il ne se rend pas encore. Mais on appelait, on fait des fonds, on se prépare des collaborations avec ces justement, justement. C'est un peu des deux. Fait quoi, fait, c'est ça, bref, ouais, comment dire, on le fait comme ça, on essaie de prouver justement que dans le rap, il peut avoir plus que 50 mots utilisés, donc bitch fuck et motherfuck. Et donc, je l'ai dit. Moi, je prends un recette tout à l'heure pour faire allonger ton médaillon. Ah ouais? Médaillon, d'accord. Ça fait un appel, vous faites ça ensemble, vous autres? Excuse-moi. Ça fait un appel, vous faites ça ensemble? En fait, ça fait 2 ans qu'on se connaît, que le groupe existe. On vient tous de groupes différents qui ne fonctionnaient plus parce que dans la vie, des fois, il y a des gens plus motivés que d'autres. Ça arrive. Fait qu'on a jeté des boulets à la mer, puis on s'est mis ensemble, puis on a formé un nouveau groupe. Et on a sorti l'album il y a maintenant. Ouais, bon. Ouais, bien sûr. On est passé. Exactement, on s'est dit, tiens, c'est un emblème. Fait qu'on, au lieu de mettre nos faces avec justement un médaillon qui touche notre pénis, on s'est dit, on va mettre Piccolo, faire un projet avec lui. Puis évidemment, on l'a payé pour ça. Fait que ça l'a aidé. Au lieu de demander du change, ben. Et voilà, c'est un peu ça. Ouais, excellent, merci. Puis, distribuer, je veux dire, nous, souvent, on parle de la nature de nos produits. Et puis, ben, je veux dire, comment vous distribuez vos disques? Comment tu as trouvé Vu qu'on ne voulait pas être noyé dans une foule de CD à pu finir dans les gros magasins, puis que vu qu'on n'est pas signé par des gros médias qu'on n'aimera pas, ben, c'est un peu dur justement d'avoir de la visibilité. Fait qu'on s'est dit, nous, on boude les HMV, toutes les grosses compagnies de disques qui vendent, et on vend directement dans la rue nous-mêmes. Fait que, non. Pas encore. C'est sûr qu'il y a des endroits, si des endroits indépendants qui veulent nous faire une place, ça va nous faire plaisir d'en laisser, mais sinon, on mise vraiment pour le vendre nous-mêmes dans la rue. Ça fait un contact avec la personne. Ouais. Ouais. Ben c'est comme ça. C'est ça. C'est un peu ça, fait qu'on essaie de gagner à notre façon. Ben c'est bien, on gagne un fan à la fois. C'est comme lui disait tantôt. Un fan à la fois, on aime ça. Et puis en plus, il reste dans ce temps-là, puis il parle de Zoom. Exactement. Êtes-vous habitué avec la manière de fonctionner à Douteau.org? Non, en fait, je t'avoue que non, mais parce on que les après ça, on s'en va au film, en fait, écouter des films, au brouhaha. Et puis ce soir, c'est les Chopper Boys qui ont gagné. Ah, c'est pas American Ninja? Non, je suis désolé, je peux pas être là. Non, non, les gens qui vont être là, on s'entendra pas bien, c'est clair. Moi, je pense qu'on va aller écouter une petite dose de Stephen Lee. Vous allez voir, c'est assez génial. Ah, merci beaucoup, Julie, c'est vraiment... Non, mon Dieu! Voilà que je t'ai mes oreilles, non, s'il te plaît! Ah, espèce de tes yeux! Tous les saints du ciel! On ressent ton fer de voix! Entre là! Mon oreille! Ah. J'ai trouvé cet imbécile en train de zioter cette petite garce d'anglaise! Toutes les anglaises sont des garces pour toi! C'est vrai? Et ne réplique surtout pas! Assez, tous les deux! Cela fait une semaine que nous sommes déménagés et tout ce qu'il fait, c'est espionner cette fille. Si tu te corrigeais plus souvent, nous n'aurions pas ce problème. J'ai dit que ça suffit. Basta. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon Dieu? Je pars pour un boulot dans quelques jours. Encore? Combien de temps cette fois, pas? C'est un job de 2 semaines. Pourquoi décroches-tu toujours des jobs aussi moches? Et comment veux-tu que je paie cette maison, hein? Il laisse toujours toutes les lumières allumées. C'est sa façon à lui d'aider à réduire les dépenses. T'exagères toujours. Vas-y, fais-le aller, tant que la paix. Mais n'oublie pas une chose. Ton père doit partir, bientôt. Ah, je te jure, elle exagère. Je marcherai dans le noir pour toi. Tu sais ça. Connie, pendant que je serai parti, ne lui tire pas les oreilles. Et toi, n'oublie jamais qu'elle est ta mère. Capiche? Parce que ça vaut la peine. À 7 minutes 20, on va écouter une minute de temps de sandwich au fromage. Là, il va te donner une cigarette à son père. Je te fais un sandwich au fromage. Mais je viens de déjeuner. En plus, j'en ai marre de ce fromage. Ça pue. J'ai une haleine terrible quand j'en mange. Tu as mangé il y a 3 heures de ça. Je m'en fous. J'en veux pas. Ça pue. Sur le vieux continent, ton père devait travailler une journée durant pour se payer une seule tranche. Mange ici, devant moi. Tu crois que je suis stupide, c'est ça? Mais je vais pas le jeter. J'ai dit devant moi. Et lorsque t'auras fini, tu iras acheter des ballons pour l'anniversaire de ton cousin. Je savais qu'il mentait. Mon père n'aurait pas bossé toute une journée pour une tranche de cette merde. Encore aujourd'hui, lorsque je rote, j'ai ce goût horrible dans la bouche. Dépiter leur approche de la chose, les Shepherd Boys, qui est un film de 1996 tourné à Toronto par un gars qui avait à peu près 16-17 ans, qui l'a scénarisé et tout. D'un bout à l'autre, je vois la petite tranche de texte ici. Julie, musique, mon père dans ce temps-là, là, travaillait des jours pour avoir une tranche qui me prenait les travaux. Donc, les Shepherd Boys, ils ne sont pas vieux, les artisans, artistes et thématiques du film de ce soir. Oui, mais on est dans le grand registre des films Common Rage, soit une transition d'un état d'esprit vers un autre effectué par le héros qui souvent est plus jeune en commençant qu'enfant. Mais au rythme d'une trame sonore originale de 13 tomes qui ont été faites pour le film, on va explorer une cour d'école de polyvalente sous forme de balade complètement folle à bord d'un manège que sont des Shepherd Boys. Sans même bien doute, vous êtes parti pour un film unique. Au bord du drame, sans saveur, au cœur de cette zone spéciale dans la tête, qui dit que la vie, ça peut être ça. Parce que oui, ça peut être les Shepherd Boys, la vie. Ma vie peut être les Shepherd Boys. Mais, advenant le cas, l'imagination serait absente de bien des bourses intellectuelles. La vie en terre et l'ambiance générale du film vous laissera un arrière-goût de jus de bois vert au relais de l'usine. Les citations classiques pleuvront, ce sera là toute la manne douteuse. Car pour avoir écouté l'original anglais, la traduction que l'on vous offre ce soir permet aux facettes douteuses de se multiplier. À la manière de l'homophone arabe, les 2-3 personnes qui s'occupent du doublage vont malmener votre conception du respect de l'intelligence d'une manière assez légendaire. Finalement, au-delà du fait tout simple que les responsables du film de ce soir étaient pratiquement tous mineurs, on trouve l'inexplicable. Comment ce film-là a pu coûter 200 000 $? Source, le site de Caledon Film. Et puis, où c'est qu'on trouve ça, 200 000 $? À 16 ans, t'as la force et la rage. T'as l'ambition et t'as le mirage. À 16 ans, on veut changer le monde. Mais tu voulais nous mettre une petite chansonnette je suis pas bête. Moi, je pense, honnêtement, là, tu vois, mon avis, moi, là, mettons que tu m'as demandé, admettons que mon opinion t'intéresse, admettons là, que je dis ce que je pense vraiment, là, je pense qu'on a serré cette semaine, je penserais plutôt à une bonne live. Là. Ok. On va faire ça. Moi, ça, c'est moi. Là. Admettons que. Je pense que je pendant un petit peu, ça? J'entends pas. OK. Ça veut dire que... On est en solo, là. On est à 70% puis on se ferme la boîte parce qu'elle est en train de nous faire son lâche. On se fait un petit quelque chose? Fait qu'on commence un concours de chanteuse. C'est ça qu'on fait. Bon, hein? C'est toi qui joues, puis après ça, il va te suivre, man. C'est automatique, man. C'est un monde, un psychose, man. C'est un autre sérieux. Ouais, parfait. Donc, on va faire une réadaptation acoustique piano de notre chanson qui n'a pas de titre sur l'album, la chanson cachée, donc Enfant Indigo. Hein, ah, Étienne, passe ton micro à ta droite, quoi. En fait, le concept est plus compliqué que ça, mais on va garder ça. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je vois. Porte le nom ou le sens qu'on lui donne. Rappelons-nous les symboles. L'existence n'est qu'une recherche d'équilibre en deux extrêmes qui nous divisent. Nous ne cherchons qu'à être libres, mais l'ego nous trompe et trop tombe dans la convoitise. Car la peur nous divise, l'ignorance la justifie, et des barbares à mallette imposent ce mode de vie par cette langue tranchante de la tête. Désir obscur de contrôle. Noir sous la faveur, contrefaçon du bonheur, le mirage a grisonné, et avec l'âge la trahison nous rend de glace. Mais en chacun de nous se trouve ce qui nous échappe. Sans condition, laissons-nous être et non tourmenter. L'abandon du moi ne peut être que la clé, noyé par la soif de vivre, un long sombre corridor qui nous mène tous à la dérive. C'est la guerre comme à la guerre, comme ton père, tes fils, une page bourrée de rimes. Et peu importe ce qui se passe, l'homme plongera dans le vice. Au cours de solution, faites place à cette dernière génération. Avant le changement dit ultime. Mais si on le confirme, l'homme fera face à ses origines. La question n'est plus comment, mais quand. C'est le stress de la vie. J'ai besoin de tout s'endormir. Besoin de tout faire. Le quotidien est long. Le temps fait l'enfer. C'est chacun son espace. Son confiance dans l'espace. Ça se fait pour les affaires. Il y a qu'une pause, gaz. Il y a des choses qui commencent, comme on peut faire, on gère à sa prospère. C'est vrai qu'on a besoin de posséder. On veut vraiment faire l'intérêt à l'heure, tout près des corps, dans le temps, on peut en faire ça, on peut en se trouver, on peut faire une fête honte. On peut faire une petite pause, on peut jouer au sous-barman, on peut jouer au ciel. Désastre unique, aux avertisses du désastre unique, on assiste à la planche, on assiste à la planche, on assiste à la planche, on assiste à la planche, on assiste à la planche, on assiste à la position de l'heure. Moi, ça va être terrible. Et soudain, j'ouvre les yeux, couche dans le rire. Mon fils est l'apocalypse, bien me hanter. Le paradis terrestre s'est transformé. Maintenant, un siècle, à l'avenir, là où l'être humain est devenu machine à détruire, embêté sur son simple lumière planétaire. Qui en paye le prix si notre planétaire se meurt? Dépouillé de ses ressources, l'homme s'est perdu en cherchant la grandeur dans un ciel. trop éloignée, m'inspirait qu'un enfant dans une ère de pollution prolifique d'un profit. Mais qui pousse à profit, c'est la course d'héritée dans la poursuite du fils d'un capitaliste. L'égoïsme de mise, l'entraîne est un terme utilisé dans le livre. Faut qu'on se rassemble, que rien ne semble, c'est ensemble qu'on avance dans le même sens. Enfant du destin, enfant du soleil, enfant clandestin, enfant des frontières qui vous répondent. Mais ceci n'est qu'un message de plus pour faire basculer la thèse. Et nous tous, nous faisons passer le mot, car c'est le mot qu'on peut faire assassiner. Accompagné de Julie Bougeon au piano. Live. Ouais, on est tout, bravo. On a un peu improvisé. Bon, ben, restez pas trop loin parce que là, la partie de l'émission qui commence est un petit peu violente et effrayante. Cool. Mais ça va bien aller. On va aller lire des affaires de Normand Lamour. On va aller dans le passé du secondaire de Rwanda en 1996. Et puis. Là. Tu viens de Rwanda? Oui, je viens de Rwanda. Ah ben, excusez-moi, Salut Martin, c'est pour ça que tu es sympathique. Mais voilà, on s'en connaît tout de suite. Ah, oui, ah, oui. Fait que trame sa mère de M. Président. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces crises de place-là? C'est pas d'arnaque! Hey, en quoi ça nous intéresse qu'il arrive là-bas? Et là, je parle d'Ontario, là, entre autres, là. Tu sais, je sais même pas ce qui se passe à des James Bond. Quels sont nos intérêts en Tanzanie qui sont suffisamment importants pour qu'on dépense 400 000 ici pour envoyer des députés, puis là, se la couler les 12 bois, du vin, checker des gros seins, manger du raquet, puis se gratter à fierté en chantant au promoteur de langue qu'ils connaissent même pas? Est-ce que tu es un moyen de touriste sexuel au couteau québécois 400 000 piastres en 5 mois? C'est mort! C'est malade! Est-ce que c'est pas pour rien qu'on prend un petit diabète? Mais tout l'argent qui est supposé de payer la dette s'en va aussi dans la gueule de quelques bourgeois cannibales et gloutons. Ou en genre d'enfants pauvres. On va leur arracher la tête avec une cuillère en plastique de chez pour les fous qu'elle peut qu'elle, oui. Ça va être tellement long qu'on va avoir le temps de penser ce qu'ils ont fait sacrément, là. Je comprends rien. Ils sont là assis à leur peau d'ivoire, assis à la colline parlementaire, gardant les yeux sur nous autres pour qu'on fasse de niaiserie. Fait que c'est qu'ils surveillent ces astis-là. Tabarnak. Je pensais jamais dire ça, mais une chance qu'on ait les journalistes, les chroniqueurs et les reporters, astis, par qui on manque de la merde. Détailler tout ce qu'on ne dit pas, même s'ils choisissent bien de quoi nous parle. Mais évidemment, si on en parlera du journaliste la même fois, s'il va faire une chronique juste sur nous autres, il mérite, puis il mérite pas mal en masse, estime, pour qu'on fasse une chronique là-dessus. Tant des astuces de valeur à soi fait ça. Mais c'est pas triste, mais c'est un petit bonheur, t'as pas tout ta gueule qui va dans leur gueule, va la mettre. Donc là, pour faire de quoi quand ces astuces mangent en vol, sinon on est pas prêt pour s'en débarrasser, là. Et en parlant du loup, mais plutôt de débilité profonde, mais surtout de valeur. Devinez de qui on s'ennuie et pas. La famille Simon. Astuce. De retour sur nos tablettes après n'avoir jamais vraiment quitté, de nous penser que nous vomissons ces grosses superflues d'hyposuction en première part du magazine la semaine. Égoïste comme Pabou, elle revient à la charge, sans nous donner de pause pourtant bien méritée, en nous crachant des vannes de crocodile en première page du dernier heure, sur l'extrêmement triste PC du port de Montpellier, dont on ignorait l'existence avec satisfaction et dévouement. On s'en crisse! Quand le dossier a frappé dans sa fête, j'étais beaucoup pas contente. Et je l'ai dit dans une chanson que je termine toujours en larmes. Et je tenais à partager cette douleur avec le peuple québécois qui m'a toujours soutenue dans les moments difficiles, comme quand il jouait à tous petits. Je pense que les gens se reconnaissent en moi et c'est pourquoi je partage ma vie aussi si extraordinaire que je peux pas garder juste pour moi. Fait que si elle se doit de nous faire chier, c'est quand même un problème de grosse tête. C'est comme ça aussi qu'elle me fait cadeau à l'os. Tabarnak! J'aurais le goût de glisser dans le micro-ondes. On aurait eu pas besoin de résister les constructions. On aurait moins aussi. Au moins, on aurait la peine de temps qu'elle la vanne. Tu sais, quand est-ce qu'elle va mourir? La semaine prochaine, je pense que je vais le faire. C'est moi qui connais que c'est moi qui parle. La semaine prochaine, je pense que je vais faire venir le médium à l'émission pour qu'on lise l'avenir de Nathalie. Si au moins, elle pourrait mettre une date pour exploration sur un gros phénomène, on saurait qu'en plus que notre calvaire va se terminer, tu sais, on va voir la ciboire, au fond du crématoire, tu sais. Mais ne vous inquiétez pas, elle va bien mourir un jour, je vais le jour, elle peut terminer, tabarnak, la fin après, on aura la paix sur Terre et le réchauffement climatique, ça sera, car nous perdrons la plus importante productrice de gaz à effet de serre, Nathalie Simard, la seule vraie rivale de nos amis les bovins. Alors, en terminant, voici les potins dont on se crisse de cette semaine, quelques-unes de ces choses qu'on préfère ignorer dans le déni. Alors, de tirer du journal à Montréal cette semaine, les Québécois aiment le fromage! On a aussi Paris Hilton qui a fait un peu de bière cochonnerie. Et on a John Mayer qui vous remercie de ne pas le trouver trop de cul. C'est ça, je me dis. Pas de commentaires, c'est normal. Tout le monde s'en crisse. Pourquoi qu'on prenne notre temps que ça? Alors, une bonne semaine. Ha! C'est une joke. Moi, j'ai tout de la merde. Mon invité la semaine prochaine, un gars qui a le cerveau de la tourette, après acheter des bouchons, ça va s'en aller en tabarnak. Oui, c'est moi, c'est Bruno Corbin. Ah ben oui, certainement. Alors, je vais y aller tout de suite avec quelque chose. On va parler de. On vient de parler de Nathalie Simard. Donc, tenez de suivre une diète équilibrée. De vous faire hypotisser ou tout simplement de vous faire vomir. Une nouvelle technique de perte de poids est là pour vous. Il s'agit d'une procédure chirurgicale qui consiste à introduire une maille de polyéthylène dans la langue du patient, rendant l'ingurgitation de nourriture douloureuse et le portant à suivre une diète de liquide seulement. On peut alors éduquer le patient à bien manger et lorsqu'il est complètement brainwashed, il peut désinfecter la nourriture à la douleur, on enlève la maille et le patient continue à bien manger. Ça dépend. Ouais, mais moi, je veux renvoyer au risque à chacun une coupe. Il me semble que vraiment les câbles, ça, c'est un gros pour le poids. Il n'y avait pas un gros là-dedans, pas un petit gros. C'est vrai. Je vais avoir quelque chose d'un peu plus proche de chez nous. Après avoir perdu deux journées complètes à attendre un colis de UPS, Bruno Cardin de Montréal a décidé d'appeler la compagnie pour avoir des explications. Angie de UPS m'a confirmé que UPS faisait un service de merde et qu'il était donc en droit de trouver ça, et je cite, « ordinaire en calice ». Normand devrait recevoir son colis jeudi après 14h. Vous êtes invité à venir l'attendre et à apporter vos feux d'artifice et vos ballons pour recevoir le livreur. Normand va maintenant se diriger vers le brouhaha. Donc, voilà. Il va vous rappeler tout à l'heure pour tes deux dernières nouvelles. Oui, on espère vous trouver une grève. Tu vas me rappeler du brouhaha, hein, c'est comme ça. Ah, ben oui, certainement. Ça peut pas mal, on va s'en faire tantôt. Ok, Isabelle. Ah oui. Bruno Corbin à. Ah, ben certains, ils viennent pas de vin pitié avec un petit fonctionnaire gentil. Que... On va signer aux invités, puis ce qu'on choisit. Ouais. Je trouvais ça cher. Et après, il était arrivé à la maison, je me suis mise à apprendre à pitonner dessus. Mais je trouvais tout le tralala de cette machine-là un peu compliqué pour moi. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre cela un peu mieux. Et je me suis inventé un rond de 360 degrés qui va me servir tout à l'heure, vous allez voir. La touche de Dactylo était dessus. Mais à l'époque, il n'y avait pas la touche française. Je ne pouvais pas écrire les accents graves, les accents circonflexes et toutes sortes de choses du genre. Mais le rond dont je vous parlais, je l'avais programmé sur l'ordinateur pour que je puisse avoir de cette façon et qu'il puisse me donner, quand je donnais les données, les heures de naissance et l'endroit que la personne était née. Oh, OK. Ah ouais, et le décalage horaire. Ah. Et tout le nécessaire pour que je place les données sur la carte du ciel proprement dit. Personne qui voulait la faire faire. Ah. Et je pouvais diviser ce rond sur différents degrés, selon que la personne était née à telle heure, dans quelle région, et puis ceci, et puis cela. Ça fait qu'à cette époque, je m'étais acheté des livres pour l'astrologie scientifique. C'est-à-dire que dans ces livres, les données qui étaient écrites étaient basées sur l'analyse. Car l'astrologie, c'est basé sur une base d'analyse, c'est bien certain. Et puis, en se basant, par exemple, sur chacun des signes, la moyenne, par exemple, de tel signe est sujet à telle ou telle maladie plutôt que tel autre signe, et ainsi de suite. Alors, quand je me suis mise à écrire, comme si j'écrivais... La maison, on sent son cerveau qui fond. Alors, quand je me suis mise à écrire... On peut changer notre choix et aller avec la mort. On y reviendra. On est en divin encore. On est encore à l'astrologie. C'est juste l'introduction. C'est juste, excusez-moi. De tel ou tel sujet de maladie, ainsi de suite. Quand je me suis mise à écrire, comme si j'écrivais à main franche, sans m'occuper de faute, j'écrivais. Mais tout m'était donné d'une façon très précise. J'étais capable de la sorte à parvenir à écrire. Pour tous les signes qui font partie de l'astrologie, c'est bien certain. La ponctuation, je reprends ça. Il m'était donné d'une façon très précise et j'ai été capable de la sorte à parvenir à écrire pour tous les signes qui font partie de l'astrologie. C'est bien certain qu'un lion ascendant bélier n'est pas comme un lion ascendant vierge, qu'un lion ascendant taureau est différent d'un lion ascendant balance, et qu'un lion ascendant cancer est différent d'un lion ascendant poisson, et puis qu'un lion ascendant sagittaire est différent d'un lion ascendant scorpion. Ce n'est pas le même qu'un lion ascendant capricorne, qu'un lion ascendant gémeaux est différent d'un lion ascendant lion, et qu'un lion ascendant verseau, et cela pour tous les signes. Je suis vierge et mon ascendant est verseau. Alors, si vous avez bien compris, tout cela veut dire qu'il y a beaucoup de descriptions à définir. C'est évident que cette description, elle décrit le plan. Alors, ça peut permettre de l'humain dans l'humain. Ah, ok. Ouais. Alors, j'ai fait environ 685 personnes. Ils ont beaucoup d'avantages. Ah, j'essaie de les aider. Le plan du vin commençait à prendre. De chronique de DJ Josh, puis à un moment donné, en gardant une grande sonore en background d'Israël, de pouvoir nous lire. Ça, c'est dans la dernière heure. Aussi. Ok, je vais vous partir quelque chose pendant ce temps-là. J'ai quelque chose de très touchant ici. Hein. Vous vous souvenez de la super chanson de Steph Marcotte, de Cédric? Ah oui! Vous avez entendu également la tune des chemises du même auteur. Je remets un petit bout juste pour qu'on se mette dedans. Hein. Tu sois un gars, tu sois une fille, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, tout le monde en met, tout le monde s'habille, tout le monde en a, tout le monde en veut. Steve Marcotte a sorti une nouvelle tune sur le nom soldat canadien qu'on a fait ici. Je trouvais Ben, ils sont soldats, hein, ils ont signé, ils savaient que ça allait être dangereux en avant là. Fait que, ils peuvent pas se plaindre qu'on leur fasse des films d'or. Sinon, je l'ai vu ça, je l'ai même pas joué, mais c'est le fun de le dire, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Gilles Paul, qui a fait un disque qui s'intitule En amour avec la vie. Et puis sur ce disque-là, il y a deux tracks, il y en a un qui s'appelle Que la vie est plate, puis l'autre s'appelle Faites-moi pas chier. Et je l'ai vu ça. On un peu un point d'interrogation. Que faites vos recherches, votre base, vous voulez s'admirer, bien sûr. Alors, mais c'est super plate, les gars. Sinon, il y a Annie Cordy. Annie Cordy, c'est une chanteuse genre fantaisiste française bien connue qui roule depuis plein d'années longtemps. Ah, puis ça, c'est un contexte idéal pour Israël, lui, sa lettre par-dessus. Ah, oui, sûrement. Annie Cordy, elle a fait toute une batch de tunes de stéréotypes. Elle se disait, OK, on prend un pays, on sort tout ce qu'on sait comme stéréotype de ce pays-là. Puis là, on fait une tour avec ça. Fait que, par exemple, on a pour l'Allemagne Frida und Papa. Est-ce qu'on sait si c'est arrivé avant ou après l'épisode que tu pouvais la tuer? Comment? C'est ça qui t'a envoyé la lettre que tu pouvais la tuer? Ouais. Est-ce que c'est arrivé avant ou après ça, tu penses, cette lettre? Ok, ok. L'évolution, tout. La relation poignante entre les êtres humains et qui? Parce qu'eux autres, ils vont nous faire une autre chanson live. Oh yeah! Il faut qu'ils commencent à penser aussi à leur indicatif. Puis il y a sûrement encore une petite tonne de DJ Jazz. C'est quoi ça? C'est 70%. Bravo! Tu l'as fait un prénom de parfait, ça là. Là, vous allez nous faire quoi cette fois-là? En fait, on va faire la chanson qu'on a fait un vidéoclip avec. Okay. Donc, qui s'appelle Chantier oublié. Donc, donnez le goût aux gens d'aller voir le vidéoclip. Parfait. Il est disponible sur YouTube, sur notre Facebook, sur MySpace. Walmart, Home Hardware, tout est bon. C'est bien ça comme psy. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Oh, une chemise dans ton placard, une chemise propre, une chemise de mort. Oh, allez-y. Non, ce sera pas long, on attend que. Ok, on load the moon machine, vous allez voir, je peux continuer. Rempli. Pour qu'il soit vieux, une chemise. On m'a passé une clé USB, hein. J'espère qu'il n'y a pas de virus de psychotique. Là. Une clé USB de rappeur sur mon ordi, j'ai peur de rien. On n'est pas des rappeurs, on est des contestataires qui font du rap, attention. C'est pour ça que la médaillon ne touche pas à leur tenue. Exactement. Et que leurs biens ne sont pas entassés dans des vêtements de rappeurs. Je suis désolé. Je avant l'émission pour. C'est parce que notre le seul autre vrai rappeur qu'on a interviewé, lui, son médaillon touche à son tennis. Il est venu ici, il est sur sa chaise. l'émission. C'est le médaillon sur le pénis. En live. Et voilà. Justement, la thème du vidéoclip que vous avez fait avec Clip Montréal, où est-ce qu'on peut voir ce vidéoclip-là? Sur le site de YouTube. Et aussi sur notre MySpace. MySpace.com/psychosepsy.com. Puis je veux juste rajouter un truc. Si vous nous abonnez sur Facebook, vous pouvez avoir toutes les dates de show et tout en. Vous allez voir, ça va vous donner le goût d'y aller. Voilà ce qui est vraiment pour les intéresser. On fait un lancement de notre album, un relancement dans ton visage. Le 20 mars, au 2656 Masson, c'est le nom du bar, le 2656. Le Parc Cabaret. Voilà, donc à 20h30, donc il va y avoir des artistes invités, c'est gratuit. Oui, voilà. Bon, ben parfait. C'est un grand nombre, on va aller dans la branche de hockey ensemble. Le 20 mars. Le 20 mars. Les gars, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Bratislava, penses-tu? Ça passe vite en sapristi. Je ne sais pas par quoi on va booker ça. On va dire des merci de suite. Vous allez faire des indicatifs. Comme ça va être fait. D'accord. Merci à Martin. Merci à Cabo et merci à Calibre de Psychose. S'il vous plaît, lancez-nous ça un indicatif. 514, indicatif régional. Je peux faire le 8-9 si tu veux. Ouais, j'allais faire super bien, check ça. 8-1-9. Bon, on a fait notre petit indicatif. Non, on leur laisse la chance quand même de le faire. On est Martin, Cabot, en calotte de psychose, et on n'écoute jamais 70%. Je suis Macron, tu écoutes 70%. C'est Martin, Mustapha. Live, à 70%. Julie Goujon, merci beaucoup. Ça va faire plaisir, merci à vous, c'est bien cool. Tu reviendrais peut-être avec un piano un petit peu plus gros. On nous envoie un indicatif aussi. Julie Goujon, alias Lia Basta, depuis le début que je te dis, mais tu as vraiment voulu dire, mais ça me fait super plaisir. Merci Tommy, c'est bien la grande chérie. Ah, 70%. Avec les amis. Parce qu'on va tout faire en blonde, puis on va tout faire en plat, puis on va tout faire en tienne aussi. Ouais. Donc, vous viendrez, les amis, à un moment donné. Je pense que je vais poser plus sur le film, comme ça on va pouvoir tout sortir avant. Toi, Étienne, ça va super bien. Hey Minus, t'as pissé ici? Tu l'as fait, hein? Tu as pissé dans mon coin. C'est mon coin. Je devrais te battre pour avoir fait ça. Je peux pas me battre, j'ai pas le droit. Je peux pas me battre pour encore 2 ans. La dernière fois, j'ai eu 100 points de suture. Je vais jouer à Psychose, Yabaster et Ambiance de 28 mars et à l'heure aussi. Lieu de mon travail et de votre travail à vous aussi. Alors, j'admire nos forces et soyons forts dans la musique. Ouais, une touche de ma cigarette. Comme dans 70%. C'est quoi ce truc de merde? Ça sent le fromage. Qu'est-ce que tu as immigré? Vous revenez la semaine prochaine pour d'autres aventures fabuleuses au pays du Alouette. Ça s'apprécie. Il y a plus de la semaine prochaine. Hey Minus, t'as pissé ici? Tu l'as fait, hein? Tu as pissé dans mon coin! C'est mon coin! Je devrais te battre pour avoir fait ça! Je peux pas me battre, j'ai pas le droit. Je peux pas me battre pour encore 2 ans. La dernière fois, j'ai eu 100 points de suture. Si je me battais avec toi, t'en aurais plus que ça. Hé, tu veux une touche? Quoi? Ouais, une touche de ma cigarette. Et c'est quoi ce truc de merde? Ça sent le fromage. Qu'est-ce que t'as, un immigré? T'as pissé là? Je savais pas, je suis nouveau dans le coin. Le marmot a pissé dans le coin de Age. Age t'a frappé? Non, mais il m'a un peu foutu la trouille. Mais ce gars-là sent le fromage, les mecs! Les gars, foutez le camp d'ici, allez vous branler dans le parc. Vous avez pas compris, il est nouveau ici. Je savais pas, je suis nouveau dans le coin. Je l'aime pas, ce putain de con. Considère-toi chanceux. Age a déjà surpris Palata. Il lui a botté les couilles si fort qu'il ne pisse plus droit. C'est quoi ton nom? Je suis Frank le Wop. Et tu connais bien Age? Comme tu dis, t'es nouveau ici. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre de mieux connaître Age? Hé, est-ce que je peux me joindre à vous, les gars? Va te faire foutre! Excusez-moi. Excusez-moi. Mais fermez cette putain de radio! Putain. Excusez-moi! Mon Dieu, c'était elle. Je n'arrivais pas à y croire. La fille de mes rêves. Celle que je voulais voir jouer dans mes films. Et dire que je l'avais appelée Boutane. J'espère simplement qu'elle ne comprenait pas l'italien. Hé, hey, v'là le crétin qui a pissé dans le coin de Age. Allez, viens. Hé, hey, le marmot. T'es chanceux qu'Age était de bonne humeur. Autrement, tu serais à remettre tes couilles en place. J'ai su qui t'avait frappé les couilles quand t'as pissé dans son coin. Ouais, mais ne crois pas que ce soit fini. Edge n'oublie pas si facilement. J'ai pas peur de lui. Ah, vraiment, monsieur le dur? Alors pourquoi tu vas pas voir Edge et lui dire en pleine face? Pas de problème, amène-moi devant lui, tu verras. Il est plus stupide que je croyais. D'accord, on lui montre où ça se passe. Hein, Al? Ouais, juste ici. Je veux rien savoir de ça. Eh bien, tu m'amènes à lui ou merde? D'accord, je t'amène là-bas. Je vais devoir pisser le sang. Mais où diable sont passés les gars? Ils traînent habituellement ici. Ils doivent être partis foutre une raclée au Jungle Gang. Mais qu'est-ce que tu fous avec ces ballons? C'est pour mon petit cousin, ok? Tu sais, je les ai pris au magasin où il y a cette super nana. Qui, Sheila? C'est moi. Jusqu'au 29